Jean chapitre 12, Christian a enseigné. Qu'est-ce que vous retenez? C'est loin, hein? Ouais, vas-y, Marcel. L'Éternel est magnifique, celui-là? OK. Isaïe 9:5. OK. OK. Mais ça, Christian a fini avec ça, ça me passait, dans le fond. C'est ça que tu fais le lien, là. OK. OK. D'accord. Oui. Valérie. Tu fais référence à quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, dans ce sens-là? Oui, c'est Christ, tout à fait. OK? C'est bon? Donc, Jésus-Christ comme le plus grand don à l'humanité, tout à fait. Les attributs du Seigneur, en fait, qui il est, dans Isaïe 9:5, il y a plus à nous donner que 300 deniers. OK, c'est bon. Je retiens personnellement aussi l'aspect du que Jésus, il est le Fils de l'homme. OK, ça c'est ce que Christian, entre autres, communiquait à travers ça. OK, on arrive dans Jean 12, c'est un point tournant. Ça, on l'avait dit, Christian l'avait mentionné au moins, mais il y a un point tournant pour le Seigneur qui est évident. OK? Jean 12, 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que le monde est allé après lui. » Et là, des fois, il y a un écart entre le verset 19 et 20, là, parce que les éditeurs nous mettent un beau titre, mais ça, des fois, ça nous déconcentre. Ça continue, OK? Et il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ça je pense, c'est Jean-Claude qui en avait parlé, si je ne me trompe pas. Mais ici, c'est un point tournant, parce qu'il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et eux, ils ont un désir, c'est de voir Jésus, OK? Et quand finalement... André et Philippe vont voir Jésus pour lui dire qu'il y a des gens qui le demandent. Là, Jésus dit, l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Puis il faut se demander juste le pourquoi du turning point, comme Christian dit, du point tournant. C'est que, en même temps, dans Jean, mais certains, les frères qui m'ont précédé ont mentionné comme quoi Jésus vient vers les siens, donc premièrement vers les brebis perdues d'Israël, il le dit dans une femme syrophénicienne. En même temps, dans Jean 3, Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et puis là, dans la déclaration des pharisiens, au verset 19, pour eux, là, il dit, vous voyez, vous ne gagnez rien, le monde est allé après eux. Puis, le monde, c'est les Grecs. Il est représenté par les Grecs ici. Puis pour le Seigneur, c'est vraiment un point tournant, où là, c'est le temps. Parce qu'après ce chapitre-là, on rentre dans la chambre haute, puis on y reste jusqu'à ce que Jésus aille dans le jardin de Gethsémané, finalement à la croix, et 3 jours plus tard, sa résurrection. Okay? Donc, c'est vraiment un point tournant où le Seigneur, on l'a vu la semaine passée avec Christian, je veux juste résumer, mais en même temps mettre l'emphase sur certains points qu'il me semble important avant d'aller plus loin. Où Jésus dit aussi, mon âme est troublée. Okay? Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et là, il y a un cri, je dirais, du cœur du Seigneur, Père, glorifie ton nom, et le Père parle. D'accord? Donc, c'était vraiment un moment où c'est clair que c'est l'heure. L'heure est venue. Okay? Même Jésus va dire, puis Christian nous en a parlé, sans seulement le détailler, là. Maintenant, Jésus dit, maintenant le prince de ce monde, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, il faut comprendre, là, c'est maintenant, c'est en train d'être fait, là. Là, on est sur le point, là. Tout est en train d'être accompli, là. Jusqu'à ce que Jésus crie sur la croix, tout est accompli. OK? Il est venu pour cette heure. Il le dit. Dans Hébreux 10, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il dit, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Vous vous rappelez de ça, Hébreux 10? Donc, c'est pour ça que le Père a formé un corps à son Fils. C'est pour ça que Ésaïe 9, 5, 6 est très important, parce que longtemps avant, Dieu a planifié que son Fils viendrait, un Fils nous serait donné. OK? Et ce Fils-là, on va voir une autre facette de Jésus. Ce que j'aimerais regarder avec vous dans ce matin, mon but, OK? Mon désir, c'est de regarder la gloire de Jésus-Christ avec vous. C'est vraiment ça. Non, et à partir de la gloire de Jésus-Christ, de voir c'est quoi l'impact de sa gloire. OK? C'est ce que j'aimerais essayer de communiquer par la grâce de Dieu. J'aime ce passage-là, Jean 12. J'aime tous les passages qui nous aident à comprendre, à voir Christ dans toutes les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on a besoin de voir Jésus. Autrement, c'est comme l'être morte, on voit pas. OK? Il dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens, quand les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. D'accord? Donc, quelque part, nos cœurs ont besoin de voir Christ. Dans l'Ancien Testament. Particulièrement. Ce que j'essaie de communiquer. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. OK? Donc, il y en a des miracles qui ont été démontrés dans l'Évangile de Jean. La foule, ce que Jean-Claude a regardé avec nous, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. On l'a regardé dans différents évangiles. Et là même, c'était un accomplissement de l'Écriture dans Zacharie. Okay? Zacharie 9, où le roi est annoncé. Voici ton roi, Sion, humble, monté sur un âne. Puis réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Ce qui m'avait frappé, là, c'est que Dieu il déclare à son peuple, sois dans la joie, réjouis-toi. Et au moment venu, c'est peut pas se retenir. Le peuple se réjouit. Donc, l'œuvre de Dieu, elle s'accomplit à partir de ce qu'il a déclaré. Okay? Vous allez voir tantôt que c'est la même chose. Donc, mais encore là, la beauté, c'est quand le Seigneur accomplit cette vérité-là, cette prophétie-là de Zacharie, là, ça nous aide à comprendre Zacharie. Parce que c'est plus stérile, là. On voit Jésus, là. On voit Jésus dans Zacharie. On peut le voir clairement, puis on peut dire, ça parle de Jésus-Christ. On n'est pas dans les à peu près, là. Comme quand on voit dans Hébreux 1, il y a une foule de passages des psaumes dans Hébreux 1, qui nous dit ça, c'est Christ. Et ça nous aide à comprendre qui est Christ. Comprenez-vous? Puis là, la parole de Dieu nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et là, il y a la foule. Et verset 38 nous dit, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe. Et ce qui est cité tout de suite après, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ou à notre prédication, peut-être dans d'autres traductions. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ça vient de Ésaïe 53. Un passage sublime auquel on est attaché profondément avec raison, qui nous parle des souffrances de Jésus-Christ et de la gloire qui va suivre. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leur cœur, leurs yeux, et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Et ça, c'est Ésaïe, chapitre 6. Okay? J'aimerais aller dans Ésaïe 6 avec vous. Regardez ça. Ésaïe 6, verset 1. C'est écrit à Isaïe 6:1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc là, l'année de la mort du roi Ozias, et Ozias y a fini lépreux. Ces dernières années de sa vie, il était lépreux. C'est triste. Et les pans de sa robe, et là, Isaïe, l'année de la mort du roi Ozias, il a une vision du Seigneur. Et là, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, haut et élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus du Seigneur. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes dont ils se couvraient la face, 2 ailes dont ils se couvraient les pieds, et 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Et là, les séraphins criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et ça, c'est les séraphins qui disent ça l'un à l'autre. Et là, moi, dans ma traduction, ça dit les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, ou les fondements des portes, je pense, ailleurs. Frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. C'est Isaïe qui parle. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix, là c'est Isaïe encore, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, Isaïe, je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur dit alors, « Va, tu diras à ce peuple ce qu'on a lu dans Jean 12. » Ne vous éloignez pas trop des Jaïs 6, là, mais si vous retournez dans Jean 12, il y a une petite mention qui est une perle dans ce chapitre-là. Jean 12, verset 41. C'est écrit, après avoir cité ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 6, c'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cette parole-là nous dit qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus et qu'il a parlé de Jésus. C'est ça qu'il dit. C'est Jésus-Christ qu'Ésaïe a vu. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans nos cœurs. Il a vu Jésus-Christ. Il a vu la gloire de Jésus-Christ. C'est ça qu'Ésaïe a vu. Et comment il l'appelle dans Ésaïe 6? Il dit, malheur à moi. Regardez. Verset 5. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a vu Jésus-Christ, le roi, l'Éternel des armées. Et qu'est-ce que les séraphins disent de lui? Saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. La terre est remplie et pleine de sa gloire. Ils disent ça de Jésus-Christ. Et Isaïe a vu le Seigneur sur son trône. Et c'est écrit que les pans de la robe du Seigneur remplissaient le temple. Il était grand, majestueux. Il prenait la place dans le temple. Il prenait toute la place. Et les séraphins qui sont en présence du Seigneur, les ailes, là, il y en a qui servent pour se couvrir les yeux, la face, c'est-à-dire, les pieds, et les autres pour voler. C'est dans le ciel, effectivement. Merci, Christian. Tout à fait. C'est une vision dans le ciel. Et la maison s'est remplie de fumée. Mais regardez la réaction d'Ésaïe. J'aimerais que vous réfléchissiez, vous pensiez à la réaction de quelqu'un qui a vécu une réaction similaire à celle d'Ésaïe sur la terre. Ici, là, Ésaïe, quand il a vu le Seigneur, il a été confronté à son péché, à sa propre état. Pas parce que on lui a dit quelque chose, c'est parce qu'il a vu la gloire de Jésus-Christ. Quand il a vu la gloire de Jésus-Christ, il a dit « Malheur à moi. Je suis perdu. » Il y avait une opposition tellement évidente, là, un contraste tellement évident entre lui et le Seigneur dont il avait la vision. La sainteté, en fait, il a vu la sainteté de Jésus. Il a vu sa royauté. Et il a vu sa gloire. Et c'était un contraste là, énorme. Y a-t-il d'autres mots pour contraste? C'était tranchant. C'était à l'opposé de qui il est. Et c'était tellement pas ce qu'il est, lui. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est particulier qu'il dise ça au chapitre 6, parce qu'on a 5 chapitres avant où Dieu a déjà utilisé Ésaïe pour prêcher, pour prophétiser. Et il va plus loin. Ésaïe, non seulement il voit son état à lui, quand il voit la gloire de Jésus-Christ, quand il voit sa sainteté, puis sa royauté, il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et les lèvres parlent de l'abondance du cœur, là. Les lèvres sont impures devant la grandeur de Jésus-Christ. Puis là, il y a un des séraphins qui vole vers Ésaïe, qui prend une braise. Il y a une main à la braise qu'il avait prise sur l'autel, probablement l'autel des parfums. Mais il prend sur l'autel avec des pincettes. Il touche la bouche d'Ésaïe. Et c'est réglé. Ésaïe, le séraphin, l'ange, lui dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Ce qui vient de l'autel, qui touche les lèvres d'Ésaïe, qui vient directement du Seigneur, s'enlève la faute d'Ésaïe. Puis là, Ésaïe entend la voix du Seigneur. Clairement. C'est particulier, hein? Quand il entend la voix du Seigneur, le Seigneur pose une question. Vas-y, Jean-Claude, ça brûle. L'autel. Vas-y, c'est bon. J'y arrivais. Continue, c'est pas grave. La gloire de Dieu. Amen. C'est exactement ça. Je vais revenir en un peu plus de détails pour la grâce de Dieu, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le parallèle à faire. OK. Ésaïe, il a confessé sa faute, comme Jean-Claude nous dit. Il l'a dit. Il a vu qu'il est perdu. Est-ce que ça vous rappelle ça, quelqu'un? Est-ce que dans les évangiles, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Jacques-Kim? OK. d'hommes comme morts par terre. OK, je vous en propose une autre, là. Dans Luc chapitre 5, OK? Luc chapitre 5, il y a, ils sont nos frères maintenant avec le Seigneur. Ils sont dans le bateau. Puis là, Jésus dit, lancez le filet. Vas-y, Marcel. Exactement. Exactement. Luc 5, je vais citer exactement les paroles de Pierre là, que Marcel nous rapporte. Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, etc. Verset 8. On va continuer. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, verset 8, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Qu'est-ce qu'il a vu devant ses yeux? Vous avez raison, là. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus, un miracle. Mais il y en a plein qui ont vu des miracles, là. Jean 12, 37, qu'on a lu, là, tantôt, là. Malgré tant de miracles, ils n'avaient pas cru en lui. Il y a un miracle dans le bateau, là. Il est confronté à son péché devant celui qui voit. Il voit la gloire de Christ. Ce qui s'est passé, la saisie de frayeur, la pêche qu'il a vue, gars, c'est Dieu, là. Il a vu, par la foi, ce qu'Ésaïe a vu dans une vision. Jésus lui a pas dit « t'es un homme pécheur ». Il a pas dit « t'es un pécheur, repends-toi ». Est-ce qu'il lui a dit ça? Il a vu quelque chose. En fait, il a vu Jésus-Christ dans sa gloire, sa sainteté, sa royauté, sa puissance, dans son action, dans ce qu'il a fait. Il a été confronté à son péché. Ses yeux ont vu le roi. Mais c'est particulier parce qu'après ça, Jésus dit quelque chose de similaire. En fait, il dit à Pierre, il dit, Simon, il dit, sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Simon est encore dans sa barque, il vient d'expérimenter un miracle. Il a vu Jésus, il vient de voir qu'il était un pêcheur, qu'il avait besoin de... qui était le Seigneur devant lui. Et Jésus dit, n'aie pas peur, Simon, tu vas devenir un pêcheur d'hommes désormais. Ça ressemble à ce qu'Isaïe a expérimenté, hein, Christian? Parce que la voix du Seigneur, tout de suite, c'est « Qui enverrai-je? » Qui marchera pour nous? Et Isaïe, il n'y a aucune hésitation dans son cœur. Je répondis, me voici, envoie-moi. Oui, vas-y. Omar. Oui, puis oui, est-ce que tout le monde comprend ce qu'Omar dit? C'est le nous de Dieu, OK? Ça résume un peu ta pensée, je pense. Mais il y a aussi, on peut l'amener aussi, il y a ça. Puis l'autre aspect, c'est qu'Ésaïe, là, il est dans le camp du Seigneur. Puis il est dans le camp du peuple du Seigneur. Qui marchera pour nous? Nous, avec Dieu. Qui marchera pour nous, ce camp-là? Jean 12, on y revient. Les armées de Dieu. Nous, les anges qui sont avec Christ, là, qui lui appartiennent, là, on est un, là. Dire, dans Hébreux 12, il dit, on s'est approché, tu sais, la montagne de Sion, tu sais, la Jérusalem céleste. OK. Ici, ce que Jean-Claude apportait, hein, c'est la suite, en fait. C'est que parmi les Juifs, verset 42, plusieurs crurent en lui. Il faut se dire, c'est le même Jésus-Christ, là, c'est le même Seigneur qui est sur la terre. La parole s'est faite chair. Jean 1, 14, c'est qu'on a vu au début là, de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ceux qui parlent, là, c'est ceux qui l'ont vu, c'est les témoins oculaires, qui ont contemplé sa gloire. Et il nous dit, le Seigneur, les Écritures nous disent à nous, maintenant, dans 2 Corinthiens 4, si je ne me trompe pas, 3 ou 4, que on est transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, puis dit qu'on s'approche du Seigneur, qu'on contemple la gloire du Seigneur. Donc, pour contempler la gloire du Seigneur, là, c'est pas juste voir des miracles. C'est de discerner le Seigneur derrière les miracles. C'est de discerner la royauté, la sainteté, la gloire de Jésus-Christ dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et c'est là que les Juifs, les chefs juifs ici, à cause des pharisiens, c'est écrit, parce qu'il y en a plusieurs qui ont cru, là, parmi les chefs. Mais à cause des pharisiens, une secte à part qui met de la pression, là, qui tiennent les gens sous un joug, là, ils confessaient pas qu'ils avaient cru en Christ parce que ils voulaient pas être exclus de la synagogue. Et les Écritures disent car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et on peut le comprendre de façon très, très précise. Aimer la gloire de Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Il est la gloire de Dieu. Hébreux 1. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il est Dieu. Ça nous amène à Jean 14, Jean 14, 6, 7. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7 de Jean 14, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et le Seigneur dit, « Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Il dit ça aux disciples, « Vous connaissez le Père et vous l'avez vu. » Verset 17, il dit, ben 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et qui sera en vous. » Et il dit un peu plus loin, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Verset 23, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Okay? Où ils ont achoppé les gens, c'est qu'en fait, en deux mots, là, c'est « il y a croire et croire. » Ok, il y a croire et croire. Donc, il y a croire entre guillemets et il y a croire, sans guillemets. Voilà. Ça fait. En fait, vas-y. Oui. ceux qui ont le contraste entre la révérence d'Ésaïe quand il a vu Jésus-Christ, le roi, l'Éternel des armées, dans une vision, et l'attitude incrédule de ceux qui voient le Seigneur devant eux et qui ne perçoivent pas sa gloire, là, est évidente. Il y a une différence entre l'incrédulité là de ceux qui refusent de recevoir premièrement ces paroles, de croire en ce que Dieu Jésus-Christ fait vient du Père, que ce qu'il dit ça vient directement du Père. C'est fait qu'ils sont passés à côté de la gloire, de la sainteté puis de la royauté de Jésus. Ils sont juste passés à côté à cause de l'incrédulité. Fait que c'est grave dans le fond. Le fait qu'ils ont aimé la gloire des hommes, c'est grave. Et Jésus, il s'écrit au verset 44. Est-ce que tout le monde, ça dit, s'écria? OK, bien, je veux dire, c'est le verbe écrier, là. OK, c'est particulier, hein? Parce qu'il y a quelques endroits où ça dit que Jésus, il s'est écrié. Il a crié, là, à voix haute, là. Il n'a pas chuchoté. Et qu'est-ce qu'il a? Il s'est écrié. Il s'était écrié. Ou qu'est-ce qu'il s'écria? Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple ou qui me voit, contemple ou voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit Dieu, voit le Père. Celui qui me voit, voit Dieu. C'est straight, clair, précis. Sans ambiguïté, sans embâche, sans détour. C'est ça. Oui. Excuse-moi. Répète, Luc. Absolument. C'est sûr que s'il voit Jésus, il voit le Père. Tout à fait. Et ceux qui, comme Ésaïe, ont vu la royauté de Jésus. Ils ont vu sa gloire. Ils ont cru en lui, puis ils l'ont suivi. Les autres, ils l'ont pas fait. Vas-y, Daniel. Oui. C'est bon. C'est vrai, c'est écrit. J'en avais parlé avec Philippe cette semaine, on a regardé ça. Où, Philippe? On a regardé ça ensemble. Je suis pas sûr que je veux nécessairement élaborer longuement, que le prochain pourrait l'élaborer, mais il y a un pont avec Romains. Romains 9 à 11, là, il y a un pont, là, direct, là. Puis, ce que je veux dire, c'est que, dans Romains, le Seigneur dit à travers Paul que dans 11, or, verset 12, or si, en parlant du peuple d'Israël, or si, non, c'est pas là, j'ai un instant, c'est vers la fin du chapitre 11. En ce qui concerne l'Évangile, verset 28, Romains 11, 28, ils sont ennemis à cause de vous, nous, l'Église, les païens. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, OK, donc leur incrédulité, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, Jean 12, l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et j'ajouterai, à travers Christ. Et là, il y a un cri du cœur, là. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Fait que si on veut ramener ça directement à nous, c'est que la gloire de Christ, là, tu sais, je dis peut-être occasionnellement, là, mais des fois je nous entends parler de Dieu. Des fois, il faut être plus précis. Parce que Dieu, c'est révélé en Christ. Et la seule manière de connaître Dieu, c'est en connaissant Christ, en s'approchant de Christ. Il n'y a pas d'autre façon, là. Je veux connaître le Père, approche-toi de Jésus. Découvre Jésus, tu vas connaître le Père. C'est ça que Jésus dit. Nul ne vient au Père que par moi. Approchons-nous du Seigneur. Découvrons-le à travers les Écritures. Et on va découvrir tout Dieu. Est-ce que je fais erreur quand je dis ça? Tout à fait. Maintenant, pour nous qui sommes aujourd'hui, ou que les quelques Juifs à cette époque-là ont cru en Jésus, le fait que Jésus était rejeté par la nation, c'est là aussi la manifestation de la croix de Dieu. L'accomplissement de cette prophétie-là au sujet de Jésus manifestait la croix de Dieu. C'est un très bon point. C'est pour ça que c'est ramené ici. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tout le monde comprend ce que Christian dit? Juste le fait que l'accomplissement de la parole de Dieu se fait là, ce que Daniel a apporté tantôt, par rapport à l'incrédulité qui était déjà annoncée, ça montre la gloire de Dieu. La gloire de Christ est mise en évidence. Tu sais, dans le fond, là, la gloire de Jésus-Christ, là, elle doit nous driver. Elle doit nous motiver. Ça doit motiver notre vie. Elle change notre vie. Quelque part, on a été confronté un jour avec sa gloire, avec sa, sans même s'en rendre compte, on peut même pas le dire en ces mots-là. Mais quelque part, c'est ça qui arrive à un être humain qui rencontre Jésus-Christ. Quand vous abdiquez comme Ésaïe, puis vous dites, Seigneur, prends-moi, là. Oui. Oui. Puis dans la vie de celui ou celle qui m'annonce Christ. Oui, amen. C'est ce que Jésus dit lui-même. En fait, comme les Samaritains, il dit, c'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit, de Jésus qu'on croit maintenant, on l'a entendu lui-même. Vous vous rappelez de ça, Jean 4? C'est bon. Gilles, ça va?